À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les conférences ont eu lieu en Russie, en Roumanie, en Angola, en Tanzanie et au Mexique, et les séances de films et les expositions de livres et de photos coréens en Allemagne, au Nigeria, en Algérie et en Afrique du Sud. Dans les salles d'exposition étaient exhibées les photos qui présentent les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient exposés les livres et les photos qui montrent les fiers succès des militaires et civils coréens pour l'édification d'une puissance socialiste. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Trésor éternel à l'éloge du soleil » et « Hôpital pour enfants Hongyo ». Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes.